reine, un amour fou. En guise de chaîne, elle avait tout pour croire en l'avenir, éviter le pire. Le temps s'est couvert, elle ne l'a même pas vu venir. Lier cette enfance de rêve et de chance par de fidèles cauchemars, de mariage en noir, si noir de souffrance. Elle pense qu'elle a fait erreur, que tout ce qui fait battre son cœur, c'est les portes qui claquent, les larmes coulent, la douleur. Couvée, protégée par des parents trop zélés, endormie, bluffée par tous ces contes de fées. Elle crut un instant avoir la force et le temps. Elle comprit vite qu'une histoire d'amour se consume encore plus vite. Qu'on n'a pas forcément ce que l'on mérite. Les cuillères en or, les draps en soie, t'es d'accord? D'accord pour me dire qu'on n'a pas tous connu ce sort. Abandonne ses biens, les siens, ce futur serein, pour sortir du trou, celui qu'elle a pris pour quelqu'un de bien. Accepte ce parcours, crois même au bon vieux discours. Inévitable croisade pour arriver en haut de la tour. Elle a déçu, pas un voisin, un ami n'est convaincu. Seule, la tête baissée, elle continue à croire avoir la force et le temps. Ses larmes avaient tout de même gardé le charme. Des filles de son âge, aussi dociles que sages. Aucune arme la sortirait du drame. Elle joue, elle assume, paye envers et contre tout, résume en un mot sa vie, méprise et brise celui pour qui par amour elle quitte à la route qui conduit au rêve de gamine qu'elle était, la gloire, le succès. Petite vie tranquille, sans excès. Elle sait que tout est erreur, erreur de jeunesse. Confesse que les mots la blessent sans cesse. Et pourtant je crus un instant avoir la force et le temps. Je crus un instant avoir la force et le temps.